Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. J.J. Cale, l'anti-rockstar. Première partie, les débuts. Tout amateur de blues et de rock se doit de connaître J.J. Cale, soit pour ses propres disques, soit pour ses compositions reprises par de nombreux artistes, comme Eric Clapton avec After Midnight et Cocaine, ou bien encore Lynyrd Skynyrd avec Call Me the Breeze. J.J. Cale, de son vrai nom John Weldon Cale, est un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain, né le 5 décembre 1938 à Oklahoma City, en Oklahoma, et mort le 26 juillet 2013 à La Jolla, en Californie. Il grandit à Tulsa, capitale du pétrole au XXe siècle. Il découvre la musique country et rhythm and blues par la radio et la guitare auprès d'un jeune voisin avec qui il va donner quelques concerts dans des bals ou des mariages. Il a alors 14-15 ans. En 1954, c'est le rock'n'roll qui déferle sur l'Amérique et Johnny, c'est son surnom à l'époque, monte un trio dans son lycée. Sa première expérience semi-professionnelle se passe en 1956 au sein des Rockettes du chanteur Gene Krause, qui le fait bien progresser en lui faisant écouter des guitaristes comme Chuck Berry ou Scotty Moore, le guitariste d'Elvis Presley. Gene Krause quitte le groupe qui devient The Valentines, mais en 1957, Johnny Cale a 18 ans et part faire son service militaire où il va s'initier à l'électronique. À son retour de l'armée, il bricole avec son père un semblant de studio d'enregistrement et reprend du service au sein des Valentines, dont le nouveau chanteur, Bobby Taylor, part à son tour à l'armée. Les affaires deviennent peu à peu plus sérieuses sous le nom de Johnny and the Valentines, avec de nombreux concerts, jams et accompagnements d'autres artistes, jusqu'à la sortie de son premier single sur Mercury Records, qui paraît en 1958. Ce sont deux instrumentaux, Shock Up et Sneaky, mais qui ne sont pas de sa composition. Il a presque 20 ans, mais début 1959, le groupe se sépare et Johnny Cale rencontre le pianiste Leon Russell qui, malgré une infirmité motrice du côté droit de son corps, est devenu l'un des pianistes de rock'n'roll les plus connus de Tulsa. Russell ayant quelques engagements à Los Angeles, ils partent à quatre musiciens vers la Cité des Anges. Mais Cale revient vite à Tulsa pour des engagements comme accompagnateur d'autres chanteurs dans divers groupes. Son deuxième single paraît en 1960 sous le nom Johnny Cale Quintet, avec ses premières compositions. Un instrumental en face A, The Purple Onion, qui connaît un certain succès local, et en face B, Troubles Troubles, très inspiré du Trouble d'Elvis Presley. Sur le plan privé, il se marie en juin 1960 avec Russ Ryan, âgé de 20 ans. Il en a 22. Entre deux gigs, il se rend plusieurs fois à Nashville pour essayer d'y placer ses compositions auprès de musiciens ou éditeurs, mais sans succès. son troisième single, qui paraît en 1961, toujours sous le nom Johnny Cale Quintet, propose une reprise du bluesman Jimmy Reed. Home to you. Sa réputation en tant que musicien ou compositeur va prendre un nouvel élan quand Mel McDaniel va reprendre en 1963 l'une de ses nouvelles compositions, Lazy Me. Même si ce n'est que la face B, le titre fait son chemin dans les radios locales et surtout Johnny Cale est à la manœuvre en studio pour l'enregistrement. Début 1964, Leon Russell le convainc de revenir à Los Angeles pour s'occuper d'un studio d'enregistrement 4 pistes qu'il commence à construire dans sa maison grâce à son travail de pianiste au sein du fameux Wrecking Crew, musicien de studio qui accompagne les artistes qui viennent enregistrer dans les studios angelins tels que les Byrds, Everly Brothers, Ronettes, Monkees, Buffalo Springfield et bien d'autres. La femme de Johnny Cale le rejoint bientôt, tandis qu'il peaufine ses connaissances des techniques d'enregistrement chez Russell, tout en jouant partout où il peut. Ses pérégrinations musicales l'amènent au Whisky à Gogo, nouveau club sur Sunset Boulevard, tenu par un ancien policier, Elmer Valentine. Le Johnny Cale Trio est embauché pour jouer les jours de repos de la vedette attitrée Johnny Rivers. So baby, please don't go. Oh baby, it's all right. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low, yeah, yeah. Turn your lamp down low. Et c'est au Whisky à Gogo, sur Sunset Boulevard, que Johnny Cale, alors leader du Johnny Cale Trio, devient J.J. Cale, à la demande du propriétaire Elmer Valentine, afin d'éviter toute confusion avec Johnny Rivers, l'artiste vedette du club. Une autre version dit que c'est pour ne pas le confondre avec John Cale, membre du Velvet Underground. Mais en 1965, le groupe new-yorkais venait à peine de se former et n'avait pas encore donné de concert. Oh, because you got soul and everybody know that it's all right. Oh, we're gonna do it all night now. Pour revenir au groupe de Johnny, ou plutôt de J.J. Cale, leur répertoire est composé de morceaux originaux, de Cale, et de reprises de rock'n'roll et de rhythm and blues. Entre les concerts, ils continuent de faire office d'ingénieurs du son au studio Sky Hill,

hat patting on his wrist radio was a making contact with the group. Hey, you guys, I need you bad. Get on your get and go. Some dirty double rat face paints on my little bright red yo-yo. I'm calling 10-4, calling Nick Tracy. 10-4, calling Nick Tracy. 10-4, calling Nick Tracy to Hero Precinct 2. Now Richard and Sam, they hustled on down, got hard on the highest heels. The trail led west to the edge of town, they were moving in for the kill. Mr. Tracy busted down the door and Sam went around to the back. There stood Miss Liz with the chief's yo-yo. She's a kleptomaniac. Depend on Dick, Dick, Dick, Dick Tracy, Dick, Dick, Dick, Dick Tracy, Dick. À part une petite incursion dans les charts canadiens, le disque passe inaperçu. Tout comme le suivant, sorti au printemps 1966, comportant enfin deux de ses compositions, Outside Looking In et In Our Time, dont l'ambiance rappelle un peu les Byrds. Silhouettes are burning, thoughts into my mind. I keep on dreaming until I find. Little girl, you locked it up and threw away the key. What you give to others, now little girl, you won't give to me. I'm on the outside, I'm on the outside, I'm on the outside looking in. Selfishness, I know. Lovers all are winners, and the losers have to go. Take away this feeling, this fire I have within. Simple way to satisfy is to let me come in. I'm on the outside, I'm on the outside, I'm on the outside looking in. I'm on the outside, I'm on the outside, I'm on the outside looking in. wind. But I get no green light, no signal to come in. I'm on the outside, I'm on the outside, I'm on the outside looking in. En mai 1966, il divorce de sa femme, Ruth. I think good luck has found us. If you look, it's all around us. In our time, in our time. A good time we got plenty of. We fit right in like hand in glove. In our time, in our time. Kept just staring at the day. May seem strange, but that's no way. In our time, in our time. We don't have to push and shove. Life is rich and full of love. In our time, in our time. Hand me down my walking cane. If these days should ever change. In our time, catch us staring at the day. May seem strange, but that's the way. In our time, looking for the rainbows in sunshine street around the bend. In our time, a thousand people we can lose, cause we got wings upon our shoes. In our time, kept just staring at the day. May seem strange, but that's the way. In our time, I think good luck has found us. If you look, it's all around us. In our time, a good time we got plenty of. Son producteur, Snuff Garrett, lui commande des chansons pour divers artistes, mais aucune ne décroche la timbale. En revanche, il veut absolument qu'il enregistre une ébauche de composition que Kell traîne depuis un moment, avec des paroles inachevées. Ce sera la première version de After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang out. Midnight, we're gonna chug a nug and shout. Gonna stimulate some action, we're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, I'm gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We gonna cause talk and suspicion. We gonna give an exhibition. We gonna find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang out. En attendant le futur succès de ce morceau, le producteur, jamais à court d'idées, veut surfer sur les nouvelles tendances musicales et propose à Kell d'enregistrer un album de reprises et compositions à la sauce psychédélique. A Trip Down the Sunset Strip sort en 1967 sous le nom de groupe The Leather Coated Minds, avec des instrumentaux signés Kell et des reprises de titres des Byrds Donovan, Yardbirds ou encore Bob Dylan. Sur les conseils de Snuff Garrett, il se rend à nouveau à Nashville, en compagnie de Patsy Camp, sa nouvelle compagne, et de deux de ses musiciens, pour rencontrer un certain Hubert Long, qui va lui présenter Audie Ashworth, un ancien musicien qui a créé une maison d'édition. Cette première rencontre n'est pas très fructueuse, mais ce n'est que partie remise, après quelques mois de collaboration comme musicien. Compositeur ou ingénieur du son, il retourne à Los Angeles car Snuff Garrett vient d'acheter un studio d'enregistrement et charge J.J. Kell de le rendre opérationnel. You're gonna be mine, I know it. We'll do it in style. Just to have a little scene. When I say we'll be cool, I mean that. You know what I mean. We stood on a beach at sunset. Do you remember when? En 1968, il reprend les concerts et fait la connaissance de Delaney and Bonnie, un duo qui est en train de monter un groupe et d'enregistrer son premier album. Kell joue occasionnellement avec eux pendant quelques mois, puis rentre à Tulsa pour les fêtes de fin d'année. Début 1969, sa carrière est au point mort. Il vit chez ses parents, puis loue une petite maison avec Patsy, et prend même un boulot de représentant en photocopieuse. Mais la musique reste plus forte et il accepte l'invitation de Don White de jouer dans son groupe de reprises orienté country, tout en composant de nouveaux morceaux qui constitueront les bases de son futur premier album 33 tours. Comme tout guitariste qui se respecte, J.J. Kell possède plusieurs guitares, mais il est particulièrement attaché à une harmonie acheté $50 à Los Angeles et qu'il a amélioré, customisé et bricolé de nombreuses fois. Elle va participer à créer le son caractéristique de ses premiers albums. En 1969, Delaney and Bonnie assure la première partie de la tournée américaine de Blind Faith, un super groupe anglais dont le guitariste Eric Clapton se lie d'amitié avec les Américains. Il apprécie tant leur musique soul, rhythm and blues qu'il participe discrètement à la suite de leur tournée. Au cours de leur discussion, Delaney Bramlett va le convaincre d'une part de se mettre sérieusement au chant et, d'autre part, de reprendre une chanson de J.J. Kell dont il vient de recevoir le single « After Midnight ». Produit par Delaney Bramlett et enregistré avec l'aide des musiciens de son groupe, entre Londres et Los Angeles, ce premier album solo, intitulé simplement « Eric Clapton », paraît à l'été 1970. after midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a lug and shout. We're gonna stimulate some action, we're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. We're gonna let it all hang down. After midnight, after midnight, after midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so go be peaches and after cream. After midnight, after midnight, don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all what about. What it all about? What it all about? We gon' lay it all hang down. Cette reprise va bientôt changer le destin de John Weldon Cale, car le titre grimpe dans les classements américains et l'éditeur Audie Ashworth veut profiter de ce succès inattendu et de la notoriété grandissante de J.J. Cale pour lui faire enregistrer un album entier et lancer enfin sa carrière. La suite dans la deuxième partie du portrait de J.J. Cale. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, I'm gonna shake your tambourine. Cette émission s'est largement inspirée du très bon livre de Bertrand Boire, J.J. Cale, paru en 2022 aux éditions Le Mot et le Reste. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.